pied des buildings. Je marche, j'avance et j'esquive comme sur un ring. Les lumières des vitrines crèvent l'ennui. Bling. Où tout s'achète, mais rien à faire. Moi, j'ai les poches vides. Autour de moi, des ombres qui déambulent. Des hommes et des femmes que la vie bouscule. Quand on n'est pas tout rejeté, on choisit de se cacher. On se voit la face pour exister, mais comment respirer? Même si mes pas ne m'emmènent nulle part. Je marche contre le vent dans le brouillard. Je ne crois pas à la fin de l'histoire, ni au lendemain du grand soir. Sur ma nuque, je sens la fraîche du vent. Je suis vivant. J'achète pas, je les ai tout bu. J'ai jeté les bouteilles à la mer, pleine d'espoir déçu. J'ai gardé.